Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire RSV. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amis de la 101.4, nous t'invitons à venir célébrer Dieu avec nous pour les 40 ans de notre radio Souffle de Vie, le samedi 3 décembre à l'espace Amba Bamboula à Bemao. Dès 13h, la famille RSV t'accueillera autour de son stand d'exposition. À 14h, ce sera le temps de célébration pour chanter, danser, louer et adorer Dieu pour toutes les grâces qu'il a accordées au travers de cette radio. Alors nous t'attendons, entrée la libre et gratuite. Si tu souhaites bénir ta radio, tu peux le faire par une offrande ce jour-là ou dès maintenant sur le site internet de la radio. rsv-gpe.info. Nous qui comptons voir. The soul. Woo! one of these old days, you're just going to live on and on and on. Somewhere where the wicked will cease from trouble.